ma tristesse. Tu sais faire accablant, écoute les gens de ma thèse. Noir, rap, ça ou blanc, pas de différence dans mes textes. Demande à Sarko si son avis est différent sur les problèmes des narcos. Tristesse pour cette époque où les riches se servent, où l'enferrari, où les pauvres se servent dans un bol de riz. Tristesse quand je vois tous ces gens réunis contre la faim. Tout ce stress me donne des insomnies. Regarde où les grossesses se font un nid. La barrière entre l'Afrique et les États-Unis. J'ai mal quand je vois ces souffrances. Le regard de ces hommes n'a plus d'avenir. J'ai si mal pour tous ces jeunes qui ont tout pour bien grandir, qui empruntent le mauvais chemin et finiront par faire le pire mal. Pour les gosses à l'étranger qui n'ont jamais rien à manger, mais mieux que nous vont s'en sortir. Arriveront loin, se partir de rien. Même si au monde je pourrais rien changer. C'est ma tristesse que je viens test au saucé qui se rend sociable. Par un jeune frangé diable, viens expliquer ses faits effacés. Dire aux gens que quand c'est de l'argent, la test l'a compris avant eux. C'est pour les soucieux, les ouvrons les yeux dans la banlieue. Un cœur de vainqueur pour tout niquer en indé, à domicile, en extérieur. Je suis si blessé, la vie passe, me laisse à terre. Constate que le temps a passé, la tristesse vous a fait taire. Tant de choses à recommencer, tant de regrets à effacer. Tant de tristesse va de pair avec une jeunesse entachée. C'est ça, c'est ma thèse que je viens faire. Je viens tester les âmes sensibles. Je vais pas prendre pour cible les innocents avec des crimes sans limite. Quand la conscience débite de ma pensée, c'est sûr je vais pas pousser cette force. Malgré moi pour pas frôler la mort, je mets tout le monde d'accord. Sur les attentats, sur les prises d'otages, sur les kamikazes. Parce que t'as le sida, je vais pas tourner la page. Ro pour ceux qui meurent de faim, ceux qui n'atteindront même pas mon âge. Je suis dépassé pour les guerres sans fin, pour tous les camés sans destin. Leur futur entre les mains des escrocs sales, souvent bien placés. Je vais pas délaisser les enfants laissés à l'écart. Souvent séparés, ne connaîtront même pas leurs frères et sœurs. C'est trop tard pour stopper les violences dans les cités, pour arrêter tous ces pleurs. Car les tueurs sont dehors, pédophiles et autres crimes. Trop de violence, parce qu'ici les voitures sont brûlées. Parce qu'ailleurs les femmes sont violées. Jamais la terre sans tristesse, sans liasse de soucis. Saturé d'armes, vendu sans cran d'arrêt. Le monde est en voie de disparition. Dieu est venu rendre son arrêt pour les faire taire, je suis en mission. J'assomme les péchés à coups de face, bien placés. J'espère en avoir blessé. Pour freiner la tristesse, je serai jamais lassé. Jamais lassé, jamais lassé, mon pote. Blessé. La vie passe, nous laisse à terre. Constate que le temps a passé. La tristesse vous a fait taire. Tant de choses à recommencer. Tant de regrets à effacer. Tant de tristesse va de pair avec une jeunesse entachée. Mes larmes de tristesse qui coulent sur ma tête. C'est BNR qui vient faire rougir la bresse. Mes larmes de tristesse qui coulent sur ma tête. C'est BNR qui vient faire rougir la bresse. Rougir la bresse. À présent, je vois les miens partir. Je me rends compte que les gens partent et laissent place aux souvenirs. J'ai mal comme l'effet d'une ligne de crack. Je suis celui qui a les miens en ligne de mire. Les mauvais de la MIF, j'écarte. Garde le meilleur à ma table. J'ai perdu trop de temps à m'enfumer le crâne chaque jour. Je ris, je pleure et le soir je meurs sans pouvoir rêver une seule fois. Rejoins un morphée, une fumée. Et là je n'en ai plus le choix. La vie ne m'en a pas laissé le droit. Le seul remède à ma tristesse, tristesse, à ma